La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Danton face à Robespierre, une rivalité à en perdre la tête. Quel destin, quelle vie parallèle, deux hommes issus de la petite bourgeoisie provinciale. L'un est né en 1758, l'autre en 1759, mais seulement à 6 mois d'écart. Tous les deux orphelins, tous les deux devenus avocats et bien sûr révolutionnaires. Et tous les deux meurent la même année, 1794, guillotinés. Oui, quel destin, quelle vie parallèle. Loris Chavanet, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Dans nos deux héros, commençons par le plus vieux, c'est Robespierre qui naît en 1758. Quand on est en 1758 à Arras et que l'on s'appelle Robespierre, quel est votre destin possible? Alors d'abord, Robespierre s'appelle Maximilien de Robespierre. Il a la particule, il va l'abandonner par la suite au cours de la Révolution parce que d'un coup ça fait un peu tache. Donc pour le dire directement, Robespierre est issu d'une famille de Robins, d'avocats, procureurs depuis plus d'un siècle. Il a fait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris et c'est un roturier, c'est-à-dire c'est celui qui paie l'impôt. Les aristocrates ne le paient pas, les roturiers le payent, Robespierre le paye, avocat. Il est donc destiné à rester dans le confort de la petite bourgeoisie. De là à rêver un grand destin, il fallait une seule chose, l'élection. Il fallait quelque chose de grandiose, il fallait l'amener à Paris, puisqu'il exerce son métier d'avocat à Arras, dans l'Artois. Et qui va amener la révolution en Ile-de-France d'abord? C'est Louis XVI, en convoquant les états généraux. Mais Robespierre, pour commencer, c'est le premier élu mâle de la famille. Il s'appelle Maximilien, c'est Maximus, c'est le premier héritier mâle. Et tous les premiers héritiers mâles étaient ainsi nommés chez les Robespierre. Robespierre était un avocat qui avait la particularité d'être aussi homme de lettres. Mais il était un homme de lettres assez raté dans l'Ancien Régime. Oui, voilà, nous avons un homme d'Ancien Régime. Personne ne peut imaginer une seconde la Révolution. Et Robespierre, oui, c'est ça, il construit son imaginaire futur dans une carrière d'avocat qui doit le conduire très loin. Et puis, il faut rappeler effectivement que la particule ne fait pas la noblesse, mais ça fait joli quand même, surtout sous l'Ancien Régime. Et bien, son contemporain, Danton, lui aussi, a un avenir sans doute tracé. Annie Jourdan, bonjour. Bonjour. Bonjour. Si nous parlons de Danton, nous avons là aussi un personnage de l'Ancien Régime. Lui aussi n'imagine pas une seconde que la Révolution va renverser à un moment la monarchie. Quel est l'avenir tracé pour un homme comme Danton? Un simple avocat qui a exercé à Paris, malgré tout, donc... Pour vous dire la vérité, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans cette rivalité Danton-Robespierre. Oh, nous avons une heure de conversation, on va mettre en place les bases et savoir qui ils sont avant d'attaquer la rivalité. Loris Chavanet, justement, ces deux hommes ne se connaissent pas, Danton et Robespierre. Ce sont deux hommes qui ont un destin différent, mais malgré tout, on note des similitudes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a cette origine provinciale, déjà c'est important, avec l'idée de venir à Paris pour faire carrière. Alors, chez Danton, c'est beaucoup plus marqué. Danton est champenois, les belles terres de Champagne. Bon, on dit belle, mais on l'appelle la Champagne pouilleuse parce que il y pousse assez mal des substances, tant c'est sablonneux. C'est la Champagne quand même des grandes foires, des bons vins, de la fête. Mais Danton habite un village, si on peut le dire. Arcis-sur-Aube, c'est un peu moins de 1000 habitants en 1789. Et donc, pareil, avant la Révolution française. Et donc Danton, il va rêver d'un destin, j'ai envie de dire, comme l'a souligné Annie Jourdan, un destin à la Julien Sorel presque. C'est-à-dire c'est celui qui veut parvenir socialement, et pour cela il n'y a qu'une seule solution. Pour un personnage comme Georges Jacques Danton, alors là aussi il y a la particule, c'est D'Anton au début, vite il va la raccrocher parce que ça fait tâche, et donc il va exercer sa profession d'avocat à Paris, mais il n'est pas un simple avocat à Paris. Alors oui, il a commencé comme stagiaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme Robespierre, la carrière du premier de la classe. Danton commence à Paris, stagiaire, petit clerc, à faire le palais auprès de certains procureurs, maîtres, et il arrive à s'imposer par sa gouaille, par sa personnalité, par son exubérance, et aussi sa présence intellectuelle très forte. Et Danton va devenir tout de même un avocat très important, puisque grâce au mariage avec son épouse Gabrielle Charpentier, qu'est-ce qu'il fait Danton ? Grâce à la dot et en emprunt auprès de son beau-père, qui possède un des plus grands cafés de Paris, le café de l'école, il va pouvoir acheter la charge d'avocat au conseil du roi. C'est-à-dire que Danton participe de ceux qui ont une charge, sont des officiers sous l'ancien régime, bref, dans deux générations, les petits-enfants de Danton seraient devenus nobles. Donc ce n'est pas rien comme ascension sociale, c'est fulgurant, même devrait-on dire, sachant qu'il est parti des bords de l'Aube en Champagne et il a gravi les échelons de la société, mais il n'oubliera, c'est très important de le souligner ici, il n'oubliera jamais d'où il vient. Et au fort du début, quand ça commence à chauffer en 1792, il le dit à son entourage, je n'oublie pas que je suis de la canaille et que je ne peux me maintenir au pouvoir qu'en faisant peur. Il y a la classe sociale, mais il y a aussi une espèce de conscience de savoir d'où l'on vient et pour savoir où l'on va. Savoir, oui, d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Là, on a presque un adage qui pourrait être intemporel. Nous avons ici un portrait de Danton avant la Révolution, mais qu'en est-il pour le jeune Robespierre ? Il était de ce que nous l'avons vu depuis, c'est-à-dire triste, bilieux, morose, jaloux des succès de ses camarades. Jamais il ne se mêlait à leur jeu. Il se promenait seul à grands pas, toujours rêveur et l'air malade. Il n'avait aucune des qualités du premier âge. Point communicatif, nul abandon, nul épanchement, nulle franchise, mais un exclusif amour-propre, une opiniâtreté insurmontable, un grand fond de fausseté. On ne se rappelle pas l'avoir vu rire une seule fois. Il gardait profondément le souvenir d'une injure. Il était vindicatif et traître, sachant déjà dissimuler son ressentiment. C'est le député Fréron, ancien camarade de classe de Robespierre, qui raconte ses souvenirs. Alors évidemment, comme tout souvenir, c'est un peu modifié, sachant l'évolution du personnage dont il est question, Robespierre, mais Annie Jourdan, dans ce mouvement révolutionnaire, qui d'ailleurs est fascinant par sa rapidité et la chronologie, nous avons en 1789 le roi Louis XVI qui réunit les états généraux. Il faut régler les problèmes d'argent du royaume. Robespierre, Danton, s'intéresse-t-il à ce moment-là ? Beaucoup sont députés, d'ailleurs ce n'est pas le cas pour eux. Danton n'est pas député, que ce soit en 1789. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas députés. Ils ne font pas de la politique au début de ce mouvement révolutionnaire. Robespierre, oui. Robespierre est député. Mais j'aurais aimé revenir sur le portrait par Fréron de Robespierre. Il ne faut pas oublier que Fréron était un ami de Desmoulins et un ami aussi de la femme de Desmoulins. Donc sur le portrait est réellement subjectif. Et polémique, si on pourrait dire. Donc, je pense que... Je ne sais pas ce que fait Danton au début de la Révolution par rapport à Robespierre. Robespierre est déjà impliqué dans la Révolution dès 89. Et dès 89, Maximilien de Robespierre est député. Il est dans ce mouvement qui conduit à la prise de conscience que la souveraineté appartient au peuple, qu'elle est en partie retirée au souverain, même si le roi Louis XVI est toujours là. Ce premier Robespierre n'est pas le Robespierre tel que l'image est souvent présentée, celui de la terreur. Tout cela est bien plus tardif. Le Robespierre du début de la Révolution est quelqu'un qui observe ce qui se passe. Oui, oui, oui. Et qui est encore contre la peine de mort, qui lie des amitiés avec les Girondins, notamment les futurs Girondins, et qui se fait une place, disons, dans la Révolution. Oui, se faire une place dans la Révolution, c'est très complexe. D'ailleurs, cette notion même de Révolution est compliquée. Laurie Chavanette, Danton et Robespierre, Le choc de la Révolution, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Passé Composé. Dans ces premiers temps de la Révolution, où là encore, personne n'imagine qu'un jour le roi puisse être guillotiné. Nous sommes dans ce premier temps où, eh bien, certains veulent réformer le royaume, tout simplement. Quels sont les choix de l'un et de l'autre, de Danton et de Robespierre? Mais d'abord, Robespierre, avant 89, est très engagé. Il publie ses mémoires d'avocat, où c'est toujours l'occasion de défendre les droits de l'homme contre la tyrannie administrative, bureaucratique de la France. De même qu'il a fait campagne électorale. Et ça, c'est très important. Il a fait campagne électorale dans l'Artois, auprès du petit clergé, auprès du milieu ouvrier des savetiers à Arras. Bref, il y a un engagement politique dans certains cercles. Et Robespierre, en arrivant à Versailles, puisqu'au début, les députés du tiers-État s'installant sur les bancs de la salle des menus plaisirs aux États généraux, vivent à Versailles. Robespierre à Versailles va essayer de s'imposer parce qu'il est ambitieux. Et il est orgueilleux. Le portrait de Fréron est très exagéré, bien sûr. Ce côté vindicatif, ce côté traître en lui-même, dans son âme, c'est excessif. Mais Annie Jourdan citait par exemple Pétion, qui a été un très grand ami de Robespierre au début de la Révolution française. Ils dînaient souvent ensemble, ils avaient une correspondance. Pétion, qui sera maire de Paris, quelqu'un d'important, et Girondin. Et donc plus tard envoyé à l'échafaud par les Jacobins et les Montagnards, Pétion aime beaucoup Robespierre. Mais petit à petit, il décèle dans son camarade une personnalité vraiment très très austère, très très aride, très vindicative. Et en réalité, on va venir à 89 et à la lutte politique, mais cette notion de personnalité hors du commun de Robespierre, c'est Robespierre lui-même qui le confie, qu'il a cette personnalité-là. Il le dit un moment avant la Révolution, il voyage en voiture et il croise des gens du petit peuple qui ne lui rendent pas son bonjour, son salut. Et il écrit dans une lettre terrible à un ami, il lui écrit « Je porte dans mon caractère une... » Ah non, alors ça, c'est pas ça. Il explique qu'il ne possède pas lui-même le bonheur et qu'il voudrait s'en consoler en l'apportant aux autres. Il explique qu'il est très orgueilleux, qu'il est très irritable. Il l'assume à plusieurs reprises. Et donc, quand 89 le met un peu de côté, à vrai dire, si ce n'est qu'il se trouve au moment opportun dans la salle du jeu de paume, pour prêter le serment du jeu de paume. Le 20 juin 89, il est là, il tend la main, il y a l'élan collectif, il y participe, il fait partie des premiers députés, les avancés qui demandent une révolution, qui veulent plus de démocratie. Et donc il est d'abord l'homme du viatique législatif, légaliste. Quant à Danton, lui, à l'inverse, il n'a pas fait campagne politique, il n'est pas député, et donc il a dû se faire tout seul, où ? Dans son quartier, dans le café de son quartier, au Procope. Dans le quartier latin du Saint-Sulpice, le quartier des Cordeliers, il a réussi à s'imposer comme président du district, président du club des Cordeliers. Danton, c'est la figure du tribun, de l'orateur populaire. Et tous les deux, Danton et Robespierre, ont un point commun. Ils vont, pendant toute la Révolution, donner dans la surenchère assez démagogique, la défense de la révolution, des idéaux de la révolution. Ce sont des défenseurs de la liberté d'expression. Énormément. Robespierre défendra Desmoulins à plusieurs reprises. Danton défend Marat lors d'une scène mythique au Club des Cordeliers. Bref, ce sont des libéraux. Par rapport à tout le système de l'Ancien Régime, très inégalitaire, ce sont des libéraux idéalistes qui défendent les idéaux premiers de la Révolution française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, l'égalité devant l'impôt. Et oui, Robespierre a une avance tout de même à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il est le plus avancé en ce que, non seulement, et certes, il demande l'abolition de la peine de mort, mais ça, c'est quelque chose de qui va vite lui passer, mais il demande aussi le suffrage universel. C'est-à-dire, c'est un démocrate qui a tout de suite la conscience que la révolution doit aller plus loin que les termes qu'on lui fixe. Et d'ailleurs, Mirabeau aura cette formule sur Robespierre, il dira « Méfiez-vous de lui, il ira loin, il croit tout ce qu'il dit ». Annie Jourdan, vous publiez La Révolution française, une histoire à repenser, collection Champ Histoire chez Flammarion. Dans ces premiers temps de la Révolution française, pour Danton et Robespierre, il n'y a pas tant que cela de rivalité, au sens où ils partagent les mêmes idées. Mais d'ailleurs, se connaissent-ils ? Ils ont appris à se connaître via le Club des Cordeliers, je suppose, et à la Société des Jacobins. Mais ils partagent les mêmes idées, globalement, sur la Révolution. Oui, oui, oui, ils sont amis, mais il y a une différence malgré tout entre Danton et Robespierre du point de vue des amitiés, c'est que Robespierre est ami avec les Girondins jusqu'à une certaine date, alors que les Girondins n'aiment pas du tout Danton. Et ça m'interroge, c'est un aspect qui n'a pas été traité dans le livre de Monsieur Laurie Chavanette. Ça m'intéresse de savoir pourquoi les Girondins ont une allergie, et surtout Madame Roland, pourquoi déteste-t-elle ou t-il l'orateur des Cordeliers. D'ailleurs, Laurie Chavanette, vous peut-être déjà rappeler qui sont les Girondins. Bon, les Girondins, alors déjà, on se transpose à l'époque de la période législative. C'est-à-dire, là, il y a une première assemblée, c'est l'assemblée constituante, les états généraux, on fait une constitution. Quand la constitution est adoptée, Robespierre obtient, c'est lui qui le demande, qu'aucun des députés de la première assemblée ne puisse être réélu dans la seconde, c'est-à-dire l'assemblée législative. Et donc, il y a une espèce de nouvelle fournée de révolutionnaires plus engagés, plus idéalistes, dont les Girondins vont constituer un parti. Il y a aussi le parti des Feuillants, qui est plus monarchiste, constitutionnaliste. Les Girondins sont davantage comme Brissot, comme d'autres, Vergniaud, on pourrait en citer plusieurs, Condorcet et Girondins, sont partisans d'une républicanisation du régime. C'est eux qui vont notamment aussi déclarer la guerre aux puissances étrangères, à l'Autriche, à la Prusse, afin d'exporter la révolution. Donc les Girondins ont à la fois, j'allais dire, l'idée du messianisme révolutionnaire, ce qui n'est pas rien, et de l'autre côté, l'idée de modérer la Révolution française à l'intérieur de l'Hexagone. Par exemple, ils ne sont pas favorables au procès et à la condamnation à mort de Louis XVI. Et en réalité, les Girondins, ce sont ceux, c'est comme ça qu'on les détermine, qui refusent de voter la mort du roi. Et les montagnards sont ceux qui vont l'obtenir. Alors il y a des Girondins qui votent pour le régicide, etc. On pourrait en citer la réveillère les peaux. Mais les Girondins sont pour une république une fois que celle-ci est instaurée, à partir de septembre 92, sont pour une république qui serait, on dirait, bourgeoise aujourd'hui, mais qui serait modérée, c'est-à-dire limiter la capacité anarchique du peuple. Alors Annie Jourdan me pose la question sur justement Madame Roland. Je développe assez largement dans le livre la proximité humaine, intellectuelle qu'a Robespierre avec cette dame qui est ministre, qui est l'épouse d'un ministre de l'intérieur de France. D'ailleurs, Danton aura un mot méchant à l'égard de ce ministre. Il lui dira, Pétion est Roland était ministre de l'Intérieur de la France et dont on, à la tribune, dit « Mais nous savons très bien de toute façon qui est votre ministre de l'Intérieur ». Il parle de l'épouse de Roland, qui est Manon Roland, qui tient un salon sur la rue de Rivoli où elle dorlote Robespierre. À l'inverse, Danton l'effraie. Parce que ce côté salonnier, c'est pas du tout la came de Danton. Danton, il est beaucoup plus vitupérant, beaucoup plus agressif, le geste débraillé, il a quelque chose de très belliqueux dans tout son être. De même que Danton a commencé beaucoup plus violent que Robespierre au début de la Révolution française. Il est l'homme du 14 juillet, il est très vindicatif au moment des journées d'octobre, il est, c'est lui qui fait le coup du 10 août 92, ne l'oublions pas, c'est Danton, fusil au pistolet au côté, qui organise, structure le mouvement de la Commune de Paris, qui va prendre le château des Tuileries et envoyer Louis XVI au temple. C'est Danton, l'homme, si vous voulez, des barricades. Et ça, la salonnière Madame Roland et les Girondins ne l'acceptent pas. Pour autant, Danton va très vite partager le pouvoir avec les Girondins. Et que se passe-t-il ? Danton, qui était lui-même assez tribunicien, populiste, démagogue aux Jacobins, va tendre la main aux Girondins. Il leur tend la main. Il leur propose un compromis d'éviter de s'entre déchirer entre défenseurs de la Révolution. Tout de même, les ennemis de la Révolution ont été vaincus. Mais les Girondins vont dénoncer chez Danton un homme corrompu qui aurait touché de l'argent, de ci, de là. On pourra raconter l'affaire. C'est assez mythique parce que n'oublions pas que la France est en guerre. Danton est ministre de la Justice et il raconte qu'il est à ce moment-là l'adjudant du ministre de la Guerre. Et donc il a des fonds secrets, il les dépense entièrement, il est le seul à les dépenser autant. Donc on se dit, bon, où est passée la voiture avec la cagnotte ? Et Danton est donc suspecté, et Robespierre le défend. Ça c'est fondamental, parce que du coup, alors que Danton tend la main aux Girondins, les Girondins l'accusent, jetant Danton dans les bras de Robespierre. Ce qui fait que Danton et Robespierre ne sont pas, ce serait faux de le dire, un duel du début à la fin. Ils sont d'abord un tandem. Ils sont d'abord un duo qui renverse successivement aristocrates, girondins, et ainsi de fil en aiguille, la Révolution se trouve prise sous leur commandement. N'oublions pas que Danton et Robespierre sont les deux premiers élus de Paris. Danton et Robespierre, une rivalité à en perdre la tête. Nous avons fait la Révolution contre tous les abus. Non. Contre tous les abus. Non. Nous avons fait la Révolution pour l'égalité des droits. Demain, mon fils, s'il en a le courage et les capacités, peut devenir maréchal de France. C'est ça, notre victoire. Voilà le triomphe de la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, oui. Mais pas la liberté d'opprimer les déshérités. Oh. Pas la liberté de corrompre par le vice. Le vice. Ah, allons. Mais la corruption est le lot de tous les hommes. Pas de tous, Danton. La Révolution, c'est l'honnêteté, la justice. Et la vertu. La vertu ? Ah ! Alors là, tu me fais rire ! Tiens, regarde autour de toi ! Où est-elle, la vertu, hein ? Où est-elle ? Le peuple. Le peuple malheureux. Le peuple qui crève de faim. Le peuple, par essence, est vertueux. Signor Rousseau, je pense que la postérité est une sottise. Et l'opinion publique, une putain ! Mais comment oses-tu dire de telles choses ? Toi qui, dans tes discours, n'avais que flatterie pour l'opinion publique. Frappe tes amis et ceux qui ne te sont rien. Et bientôt, tu te retrouveras seul au milieu de la désert. Seul ! Toi, tu voulais sauver les hommes ! Seul ! Dans La caméra explore le temps 1964, Danton et Robespierre discutent, disons-le simplement. Annie Jourdan, cette rivalité Danton et Robespierre n'est pas une évidence. Laurie Chabanette nous dit que, eh bien, il y a une forme de duo au début. Et puis, ce duo se brise. Comment analysez-vous cette rivalité ? Tout d'abord, je pense que je l'analyserai en prenant en compte un cadre plus vaste, c'est-à-dire de ne pas focaliser sur les tempéraments et la psychologie, mais plutôt prendre en compte, par exemple, l'affaire Fabre d'Églantine, la guerre entre les hubertistes et les dantonistes, et tout ce qui se met en place au fur et à mesure que la Révolution se radicalise. Hébert, notamment, joue un rôle majeur. Vous pouvez nous le présenter, Annie Jourdan ? Oui, Hébert est membre des Cordeliers aussi. Il fait partie de ce qu'on appelle les exagérés, les ultra-révolutionnaires. Et il gravite autour du ministère de la guerre et de Bouchot, qui est le ministre de la guerre, avec des hommes comme le général de l'armée révolutionnaire Ronsin et un secrétaire du ministère de la guerre, Vincent. Et c'est ce groupe qu'on appelle les hébertistes qui attaquent les premiers, les dantonistes. Et cette guerre des factions va vraiment détériorer la situation. Et l'arbitre dans cette guerre qui est une guerre intestine, c'est Robespierre et non Danton. Et celui qui met le feu aux poudres, à mon avis, mais on va en parler, je suppose, on va y revenir, c'est Desmoulins, dans le vieux Cordelier, le numéro 1 du vieux Cordelier, où il attaque les hébertistes, justement, qui eux-mêmes rétorquent et attaquent les dantonistes. C'est vraiment une tragédie au sein de la Convention. Dans cette guerre de différents mouvements, Annie Jourdan, dans cette guerre, il y a des idées qui sont portées. Sont-elles si divergentes entre tous ces mouvements ? Je pense pas. Je pense que ce sont les intérêts et les ambitions qui prédominent dans cette guerre. Mais bon, on peut également en parler et revenir là-dessus. C'est-à-dire que les hébertistes voudraient avoir plus de pouvoir et que les dantonistes veulent la même chose, en fait. Le riche Chavanet, c'est une question de pouvoir, bien sûr. La notion même de pouvoir prend une autre ampleur au fur et à mesure que la Révolution évolue. Vous nous l'avez rappelé, en septembre 1792, la monarchie disparaît, c'est la République. La notion même de pouvoir républicain est une notion complexe. Qui va avoir le pouvoir? Qui se répartit le pouvoir? À quel moment se met en place la rivalité entre Danton et Robespierre, qui, vous nous l'avez dit, était une forme de duo? Je ne sais pas s'ils étaient si amis que ça, mais ils avaient peut-être des buts en commun. Bon, en tout cas, la Révolution, après la chute du trône, le pouvoir est vacant. Il n'y a plus de trône, il n'y a pas encore de nouveaux élus dans la nouvelle Assemblée qui sera la Convention nationale chargée de rédiger une constitution, ne l'oublions pas. Et le pouvoir sort des institutions, en quelque sorte, sort du principe de l'égalité pour entrer dans l'art du discours révolutionnaire qui s'admire lui-même. C'est pour cela que les Jacobins, le club des Jacobins, qui se situe aujourd'hui à Paris, toujours rive droite, à l'emplacement du marché Saint-Honoré. Allez, Robespierre vivait entre la Convention nationale et le club des Jacobins. Le matin, c'était l'Assemblée, le soir, les Jacobins. Alors quand il entrera par la suite au comité de salut public, d'ailleurs dans la foulée de... après que Danton en sorte, ils ne sont pas tous les deux membres du gouvernement en même temps. En juillet 93, quand Danton quitte les comités, Robespierre y entre. C'est au moment de la mort de Marat, grosso modo. C'est au moment aussi où la Révolution française connaît une période de radicalisation de son discours, une période de dénonciation du complot aristocratique, des ennemis de la Révolution. C'est l'époque où, véritablement, la France connaît même une guerre civile. C'est-à-dire que nous sommes en guerre à l'extérieur contre progressivement l'Espagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse, ce qui n'est pas rien, mais bon, nous sommes la France, mais ce n'est pas rien. Quant à l'intérieur, la France est livrée à la guerre civile, Toulon, les habitants de Toulon ont livré la ville aux Anglais, en Vendée, bon, on se soulève pour le roi, pour l'Église, et pour ne pas payer d'impôts, et pour pas envoyer d'enfants se battre aux frontières de l'Est. Bref, la France est en plein chaos. Et donc la radicalisation du pouvoir a vocation à faire quelque chose, à assurer et maintenir l'unité de la République. Et c'est pour cela qu'on parle aussi d'indivisibilité de la République. et les Girondins sont désignés comme des partisans du fédéralisme, c'est-à-dire la décentralisation, si vous voulez, d'où la querelle célèbre aujourd'hui entre Girondins et Jacobins. L'État jacobin, c'est l'État centralisé. Mais pour réfuter Annie Jourdan sur un point en particulier, vraiment je ne suis pas d'accord. C'est lorsqu'elle suggère que Robespierre a un rôle d'arbitre, mais il le sera que plus tard, arbitre. Et encore, la notion d'arbitre, c'est une notion aussi d'occupation du centre. C'est-à-dire, il suffit de se mettre au centre en disant « je dénonce les ultras révolutionnaires, les hébertistes et les infra-révolutionnaires, les modérés, partisans d'un comité de clémence, des moulins, c'est vrai, les dantonistes, pour se mettre au milieu. Et qui est au milieu, occupe le centre, est le seul qui peut assurer l'unité de la révolution dans le discours. C'est très important, cette position centrale. D'ailleurs, ça parle un peu à toutes les époques, hein, cet art de rassembler. Robespierre, il est pour le rassemblement. Sauf que, il y a un événement qui met complètement à mal cette hypothèse. C'est la fameuse journée du 5 septembre 1793 sur laquelle j'aimerais dire un mot, si c'est possible. À ce moment-là, les Girondins ont été mis en détention, c'est-à-dire arrêtés, mais ils ne sont pas encore jugés. Et au club des Jacobins, dans le Paris de la Commune de Paris, la Commune insurrectionnelle avec beaucoup d'excité, d'exagéré, comme on dit, on se plaint des lenteurs du tribunal révolutionnaire. Alors oui, le tribunal révolutionnaire, c'est Danton qui l'a créé, qui en a demandé la création. C'est même lui qui a demandé en premier un gouvernement provisoire. Mais c'est Robespierre qui va demander l'accentuation de la répression, la concentration de la répression à Paris. Et pendant ces journées de septembre, Robespierre est à la fois, on va faire court, président de la Convention nationale, membre des comités, comité de salut public, et président du club des Jacobins. Et le 5 septembre, une pétition est lue où il est expliqué que la terreur est mise à l'ordre du jour, doit être mise à l'ordre du jour, que les aristocrates doivent être mis en détention en France. Tous les aristocrates, c'est purement une répression raciale, quoi. Troisièmement, la création d'une armée révolutionnaire et quatrièmement, surtout, la mise en procès des Girondins, qui ne restent pas en prison. Qu'ils aillent devant les principaux leaders, en tout cas, qu'ils aillent devant le tribunal révolutionnaire répondre de leur pseudo-conspiration contre la République. Et c'est Robespierre qui tient les rênes de ce mouvement populaire. Parce qu'il y a une insurrection populaire qui vient à l'Assemblée demander ces mesures. Alors vous savez, quand on dit discours, organisation institutionnelle, il faut savoir comment ça se passe, on va dire sous la Terreur, sous l'an 2, l'adoption d'une loi. Ça se passe d'une manière très simple. Il y a une chronologie. D'abord, une adresse populaire des Jacobins, ou des Cordeliers, ou d'un club populaire, vient demander des mesures extrêmes pour sauver le peuple. Donc le peuple est censé s'exprimer à la tribune, demander des mesures. À ce moment-là, comme par hasard, un membre des comités arrive avec un énorme rapport de 15 pages, Robespierre lit parfois des discours pendant 2 heures, où il débite exactement ce que veulent ceux qui venaient de faire la demande de mesures. Et ensuite, comprenez bien, qui veut voter contre ce qu'a proposé le gouvernement et les clubs est forcément considéré comme un ennemi, puisqu'il se désolidarise et du gouvernement et de la rue. Et donc ainsi, le jacobinisme, la montagne, c'est une machine à fabriquer de l'unanimité par un rapport politique de dénonciation, de suspicion de l'ennemi. C'est là où il y a, d'où votre question, une différence très importante entre Danton et Robespierre. C'est que Danton explique très tôt, dès 92, que pour lui, il y a 3 peuples en France. Il y a les ennemis de la Révolution, il y a les partisans de la Révolution. On sait très bien dans quel camp il est. Il est partisan de la Révolution. Les ennemis, c'est les aristocrates, c'est qui font la guerre à la France. Mais il explique qu'il y a un troisième camp. Il explique qu'il y a aussi le camp des indifférents, des gens qu'il faut convaincre par la politique, par l'expression orale, par l'argumentation, leur faire comprendre que c'est leur intérêt, à eux personnellement, l'intérêt de la France, de se rallier à la Révolution française. Tandis que Robespierre, lui, considère qu'il y aura toujours 2 peuples en France. Il a une vision d'une espèce de salut de la vertu ou le caractère binaire religieux, politico-religieux et dans le discours politique. En septembre 1793, la terreur est à l'ordre du jour. France Culture. Citoyen, quel est ton nom ? Danton. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Citoyen, quel est ton nom ? Danton, tu es sourd ou quoi ? Accusé de tiédeur par Robespierre, il est guillotiné en 1794. Annie Jourdan, peut-on dire, effectivement, dans cette lecture de la Révolution française, une histoire à repenser, c'est l'ouvrage que vous publiez, que Robespierre a cette vision, binaire pour le dire simplement, mais que tous ceux qui ne sont pas dans la Révolution sont des ennemis de la Révolution, et qu'il n'y a pas de place pour une certaine souplesse de positionnement? C'est possible, oui. Du reste, je veux revenir sur la question de l'arbitrage de Robespierre, dont je parlais de l'arbitrage à l'époque de la querelle des hébertistes et des dantonistes, pas d'arbitrage à propos des Girondins. C'est important, vraiment, cette idée de saisir le pourquoi de la rivalité entre ces deux hommes, Danton et Robespierre, et justement par l'exclusion systématique, si nous nous plaçons du point de vue de Robespierre, de tous ceux qui ne partagent pas ses idées. C'est assez simpliste de le dire ainsi, je pense. Je pense que Robespierre, et il l'a prouvé à plusieurs reprises, pouvait s'adapter à des opinions plus ou moins différentes. Mais pour revenir à la campagne d'indulgence ou de clémence dont parlait M. Chavanet, je voulais quand même faire remarquer que la campagne de clémence amorcée par Danton et par Desmoulins et leurs amis, parce qu'on oublie toujours le cercle des amis qui gravitent autour de Danton, qui sont pour la plupart des hommes assez louches, et assez retors comme Chabot, Bazir, Fabre d'Églantine, le poète qui a inventé le calendrier révolutionnaire. Tous ces gens ont des intérêts différents et personnels, donc différents de Robespierre. Mais ce qui est amusant, enfin ce que j'ai remarqué, c'est que le 17 novembre 1993, quand les amis des dantonistes sont inculpés à la Convention, ça donne lieu à la parution, le 5 décembre, du premier numéro du vieux Cordelier de Desmoulins. Donc peut-être qu'ils attaquent les hébertistes, qui sont donc leurs ennemis. Donc ce que je me demande, peut-être que Danton est indulgent. Et je crois qu'on peut l'assurer, d'ailleurs. C'est le seul qui fait preuve de générosité envers ses adversaires. Mais Desmoulins, qui a déjà mis le feu aux poudres avec les Girondins, qui a accusé Brissot dans Brissot démasqué et l'histoire des Brissotins, donc qui est co-responsable du sort des Girondins, en un certain sens, recommence avec les hébertistes le 5 décembre 1993. C'est l'époque où il est ami avec Danton, où il est proche de Danton. Donc j'aimerais qu'on prenne en compte toutes ces intrigues secondaires qui jouent un rôle, à mon avis, primordial. Vous avez raison, Annie Jourdan, hein, c'est très important de ne pas focaliser sur deux figures, Danton et Robespierre, parce que nous sentons bien qu'il y a énormément de personnages dans cette histoire et des mouvements de pensée, d'opinion portés par des figures réduites à des figures, mais qu'il ne faudrait pas justement limiter à ces deux hommes, Danton et Robespierre. Quelle réaction de l'un et de l'autre face à la terreur ? Où cesse la légitime défense ? Là commence le meurtre. Et je ne vois pas de raison qui nous contraigne à poursuivre la tuerie. La révolution n'est pas encore achevée. On bonne société n'est pas encore morte. La saine énergie populaire doit prendre la place des dégénérés. Le vice doit être châtié et la vertu régnée par la terreur. Je ne comprends pas le mot châtiment. Tu m'ennuies, Robespierre, avec ta vertu. Tu n'as pas volé, tu n'as pas fait de dette, tu n'as jamais couché avec une fille. Tu as toujours porté une redingote soigneusement brossée, tu ne t'es jamais saoulé. Robespierre, tu es insupportablement honnête. J'aurais honte de m'agiter 30 ans entre terre et ciel avec la même tête de puritain, uniquement pour jouir du misérable plaisir de trouver les autres plus mauvais que moi. N'y a-t-il donc rien, non, toi, rien qui parfois te chuchote? Tu mens! Tu mens! Ma conscience est pure! Oh, la conscience est un miroir, le singe se tire la langue en s'y regardant. Chacun se part comme il peut et prend son plaisir comme il l'entend, c'est bien la peine de nous chamailler pour ça. Chacun est en droit de se défendre quand un autre lui gâte sa joie. As-tu le droit de faire de la guillotine une cuve à lessive pour le linge sale des autres? Robespierre et Jean Villard, Danton et Jean Davy, nous sommes à Avignon, Palais des Papes, en 1948 pour la mort de Danton. Laurie Chavanette, au moment de la terreur, comment la fracture se met en forme peu à peu et devient comme irréconciliable entre Danton et Robespierre? Alors c'est véritablement les excès du gouvernement de salut public qui vont heurter ce qu'on appelle les indulgents, à savoir Camille Desmoulins, Danton, etc. Danton, lui, coule des jours heureux en Champagne. Il vient de se remarier après le décès de sa première épouse. Il est comme en voyage de noces avec une délicieuse Louise Gély, qui a 16 ans. Et il décide de rentrer. Il décide de rentrer, dit-il, pour économiser le sang des hommes. Et je rends grâce à Annie Jourdan qui a relevé véritablement la part de modération plus grande et d'aptitude au compromis chez Danton. Notamment parce que Danton et Desmoulins ne considèrent qu'il y a un moment où la politique touche à ses limites. On peut régénérer des institutions, un État, mettre un terme aux excès de l'ancien régime, ses inégalités, la censure, etc. Mais fonder un homme nouveau, faire table rase du passé et même de l'humaine faiblesse, c'est chose impossible. Et il refuse que la Révolution française se transforme en une épuration moraliste excessive. Et d'ailleurs, le point le plus important, c'est quand Camille Desmoulins commence à rédiger le Vieux Cordelier. Oui, au début, il s'en prend aux hébertistes, qui sont des déchristianisateurs, des anarchistes et des terroristes qui célèbrent le culte de la raison, etc. Mais Desmoulins va très vite ensuite sermonner son ami Robespierre. C'est à Robespierre qu'il s'adresse ensuite, donc au comité de salut public. Camille Desmoulins va en quelque sorte rappeler à la Révolution son serment de 89, l'idéal de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que la Révolution française, si elle se coupe de ses origines, de son idéal là, et non pas seulement la vertu, mais aussi l'esprit libéral de la Révolution, elle perd sa légitimité. Et Desmoulins va avoir ces mots exceptionnels. Dans le Vieux Cordelier, il va s'adresser directement à Robespierre et lui dire « Oh mon cher Robespierre, oh mon vieux camarade de collège, souviens-toi de ces leçons de l'histoire et de la philosophie que l'amour est plus fort, plus durable que la contrainte. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. » Et Desmoulins était tout simplement une voix dissidente qui est entrée en résistance aussi parce que son beau-père a été envoyé en prison parce qu'il y avait un trèfle qui a été pris pour une fleur de lys dans l'horloge de son domicile. Donc, il y a une part aussi dans la Révolution, et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu beaucoup insister à la fois sur la chronologie, les faits, les idées politiques, mais beaucoup sur aussi la psychologie. Qu'est-ce que c'est qu'un individu en Révolution? Or, il y a une différence de vie privée entre le clan des Robespierre et le clan des Saint-Just et Robespierre. Le clan des Danton Desmoulins, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des intérêts personnels. Donc, ils veulent se survivre à eux-mêmes, voir leurs enfants grandir. Desmoulins, dans une lettre à son père, le dit magnifiquement. « Tous ces hommes que nous tuons, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont des enfants, qu'ils ont aussi des pères. » Et donc, cette vie privée, d'avoir une famille, les pousse à la modération. Nécessairement, là où Robespierre, qui est seul, enfermé dans sa vision utopique, certes idéaliste, grandiose, transcendantale de l'idée de république, est en fait un peu isolé, cloîtré, et vit comme en vase clos entre la Convention nationale et le Club des Jacobins et le gouvernement. Il ne connaît pas la vie réelle des gens qui ont une postérité, la vraie, faire des enfants. Toute approche est pertinente pour saisir des moments complexes comme celui de la Révolution, complexe mais passionnant. Annie Jourdan, dans votre Révolution française, une histoire à repenser, vous soulignez au-delà même des hommes, au-delà même de leurs écrits, combien le système ne fonctionne pas très bien. Vous évoquez les dysfonctionnements de la justice révolutionnaire, par exemple. Il y a la loi, il y a les réflexions autour de la loi, et puis après, il y a la réalité. Et c'est très important aussi à prendre en compte pour comprendre cette révolution. Oui, absolument. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que la clémence de Desmoulins et de Danton et de leurs amis est toute relative. C'est-à-dire qu'ils sont indulgents envers leurs amis, mais ils sont féroces envers leurs ennemis. Ce sont eux qui font arrêter Vincent et Ronsin, et donc les hébertistes. Donc moi, cette clémence, je la vois comme une clémence politique, et du reste, plusieurs révolutionnaires comme Robespierre et Barrère ont voulu instaurer un comité de justice ou un comité de clémence jusqu'au moment où Robespierre a compris qu'il s'agissait de faire libérer les amis, les proches de Danton. Et pour revenir à ce que vous me demandez, oui, c'est... La révolution doit être prise dans son ensemble, en fait. Oui, oui, oui. Il faut vraiment examiner les interactions entre les groupes, le poids du contexte, des événements, puisque même à cette époque-là, on est encore en guerre... en guerre avec l'Europe tout entière. Et Barrère se plaint de ces divisions internes ridicules, alors que l'Europe entière est en train de conquérir des fragments de la France. Laurie Chavanette, le temps passe, nous discutons, la guillotine attend, là, nous avons deux exécutions qui se préparent. Danton, le premier, pourquoi Danton exécuté? Justement, c'est dans cette opposition à Robespierre. Alors, non seulement Danton est exécuté parce qu'il est mis dans le groupe de ceux qui ont osé critiquer la politique du comité de salut public. Dans le groupe des Dantonistes, il y avait notamment, ça va parler à tout le monde, un homme qui s'appelait Philippot, qui a dénoncé au comité les excès en Vendée. C'est-à-dire tous ces massacres en Vendée, Philippot dit, c'est pas ça la révolution, c'est pas ça notre idéal, notre évangile. Eh bien, ces voix dissidentes gênent la notion d'unité du gouvernement. Et donc, ils sont éliminés ainsi. D'ailleurs, si on fait bref, c'est assez intéressant. Lorsque Danton est exécuté, on passe de ce qu'on appelle la terreur légale à la grande terreur. D'un coup, la réforme du tribunal révolutionnaire va avoir lieu, on est dans une logique de politique de l'être suprême, il va y avoir une accélération de la répression politique. Tandis que, quand Robespierre, lui, est envoyé à l'échafaud, 3 mois après, en juillet, Danton meurt en avril 94, Robespierre en juillet 94, le 28, il est exécuté, la terreur va connaître une période de décroissance. Eh bien, l'histoire, c'est aussi ça, c'est juger les conséquences. Et les conséquences, c'est que Danton avait lutté contre la terreur. Robespierre, lui, quand il est mort, ce sont notamment les amis de Danton qui l'ont fait chuter. Il ne faut pas l'oublier parce que tous les dantonistes n'étaient pas vaincus. Et par la suite, la Révolution va connaître une nouvelle époque de son histoire. Voilà, la page se tourne après cette rivalité Danton et Robespierre, mais une rivalité évidemment qui a des échos bien au-delà que la période révolutionnaire. D'ailleurs, ça fait l'occasion de discussions entre historiens et historiennes. Merci Laurie Chavanette, Danton et Robespierre chez Passé Composé. Merci beaucoup Annie Jourdan, La Révolution française chez Champ Histoire. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Et si on élisait le nouveau chef de la tribu des bourreurs de crâne ? L'expression « bourrache de crâne » est apparue dans l'argot parisien à la fin du XIXe siècle, mais elle s'est surtout diffusée pendant la Première Guerre mondiale pour dénoncer la propagande outrancière et souvent mensongère de la presse. La censure, l'esprit cocardier et la volonté de maintenir le moral des troupes incitaient les journalistes, qui ignoraient ce qui se passait réellement sur le front, à multiplier les articles qui alimentaient la propagande nationaliste. Pour combattre ce conformisme, de nouveaux journaux furent lancés dès 1915. Le plus important d'entre eux fut, sans conteste, le Canard enchaîné, fondé par Maurice Maréchal, un journaliste de 34 ans, qui le dirigea jusqu'à son sabordage en 1940. Dès la présentation du premier numéro, en septembre 1915, le ton sarcastique du journal fut donné. « Chacun sait, en effet, disait-il, que la presse française, sans exception, ne communique à ses lecteurs, depuis le début de la guerre, que des nouvelles implacablement vraies. Eh bien, le public en a assez. Le public veut des nouvelles fausses. Pour changer, il en aura. » Après des débuts ratés, Le Canard fut relancé en 1916 pour une longue carrière, interrompue entre 1940 et 1944, mais qui se poursuit encore aujourd'hui. Dès le départ, le journal s'attaqua avec véhémence au discours officiel. L'une de ses principales rubriques s'intitulait « Chez les bourreurs de crâne, petite revue de la grande presse à l'usage des historiens futurs ». Toutes les personnalités qui contribuaient à alimenter cette propagande furent la cible du Canard. Le 29 novembre 1916, ses rédacteurs eurent l'idée de lancer un référendum en pastichant les jeux et les concours que la grande presse proposait régulièrement à ses lecteurs. Le Canard enchaîné proposa à son public de participer à l'élection du grand chef de la tribu des bourreurs de crâne en répondant à la question suivante. Lequel, à votre sens, parmi les journalistes qui se mettent quotidiennement en vedette, mérite à tous égards le titre de grand chef? Les résultats furent publiés le 20 juin 1917. Le journaliste Gustave Hervé sortit vainqueur par 5653 voix, coiffant sur le poteau Maurice Barrès, l'écrivain de l'Académie française. Le Canard ne pardonnait pas à ce dernier ses chroniques quotidiennes dans lesquelles il excitait les ardeurs patriotiques des poilus qui risquaient leur vie chaque jour au front alors que lui restait bien à l'abri derrière son bureau, se contentant de manier sa plume. Mais Maurice Maréchal en voulait davantage encore à Gustave Hervé parce qu'il avait trahi ses idéaux de jeunesse. Cet agrégé d'histoire avait été un militant socialiste et pacifiste courageux, emprisonné pour son anti-militarisme. Puis, il s'était rallié à l'Union sacrée en 1914 pour jouer, tout au long de la guerre, un rôle majeur dans le bourrage de crâne nationaliste. Le Canard le couvrit régulièrement de ses sarcasmes, en ironisant sur sa nouvelle vocation patriotique. « Vous n'avez pas laissé votre peau dans l'aventure, vous avez simplement changé de peau », écrivit Maurice Maréchal dans l'un de ses papiers en ajoutant « Vous n'aviez qu'un moyen de prouver votre sincérité, c'était de vous faire tuer au commencement de la guerre. » Et voilà, ça c'est dit. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Mayouen Guizhou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.